Steph et les Éjectés, un groupe pas très très vieux, il a juste une trentaine d'années, hein. Voilà le groupe, hein. On va faire un petit tour avec eux, je crois que c'est l'année prochaine qu'ils vont fêter leur anniversaire. Bonjour Steph. Bonjour. Et bienvenue chez nous, bienvenue sur Arc-en-Ciel. Merci, merci. Voilà, donc eh bien Steph et les Éjectés, c'est le nom de ton groupe. On s'est appelé les Éjectés en fait, en 88 quand on a commencé. Et selon les changements de formule, c'est-à-dire que les Éjectés de 88 à 92 à peu près, en 92 on a changé de formule, on est passé de, on était 6 musiciens, on est passé à 9 musiciens, on s'est appelé Éjectés tout court. Oui. Et il y a une dizaine d'années, on a rechangé de formule, on est passé en formule trio, et là on s'est appelé Steph Cage et Éjectés. D'accord. Donc c'est toujours le même groupe, mais à chaque fois qu'on a changé de formule, on a un petit peu modifié le nom. Et donc et bah forcément, donc on l'a annoncé, l'année prochaine, tu es un jeune groupe, 30 ans. Voilà, on fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Ouais. 30 ans, ouais. 30 ans de scène, 30 ans d'album. Et l'aventure, elle a commencé comment? C'était à l'époque, c'était dans un garage entre copains? Comment ça s'est arrivé? Ah oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, ouais, à l'époque. Je déjà avec... ouais, c'était en 88, moi je tournais déjà avec un groupe de punk avant. D'accord. Et en fait, suite à une mobilisation de quelques mois, j'ai eu envie de me lancer sur autre chose, de rajouter des cuisses, d'autres ouais. tendances, et on a fait un mélange de rhythm and blues, de musique jamaïcaine, de punk, et ça a donné les Éjectés. Quand vous avez démarré, un an après la création du groupe, en 89, vous avez participé au festival SOS Racine, c'était déjà le lancement, c'est un peu dans l'esprit du groupe également tout ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça fait partie des idées auxquelles on adhère, en tout cas d'une manière forte. Oui. Et puis très vite, votre groupe a été propulsé alors à la télé dans la fameuse émission, et géniale du reste, que menait Thierry Ardisson de Main de Maître, Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Quel souvenir vous gardez oui. de ça? Ah, super souvenir, super souvenir. Une petite anecdote aussi, c'est qu'on devait oui. tourner au New Moon à Pigalle, à Paris, oui, parce qu'on oui. avait un concert là-bas. Et en fait, le New Moon avait une exclusivité avec M6. Donc, le gars a pas pu tourner le truc, donc on s'est dit on se retrouve quelque part. Moi, on avait déjà travaillé au studio studio de la gare, pas loin de la gare d'Austerlitz, mmh. avec un cadre super sympa, quoi. Et donc on s'est retrouvé le lendemain au studio de la gare et on a tourné ce clip. Alors sur le coup, on s'est dit le gars est arrivé tout seul en scooter. On s'est dit il va pas le faire. Et en fait, il avait la caméra dans le siège du scooter et un blaster pour passer la musique à côté. Et il a monté on a tourné le clip et il a monté ça et c'est passé une semaine après. Incroyable. Mais super souvenir. Ouais. Ouais. Pour se donner un petit peu de peps, on va écouter Quand elle m'emmène pour voir un petit peu ce que ça donne. Steph et les Éjectés, je te propose. Ouais, tout à fait. Alors, Quand elle m'emmène, c'est extrait du dernier album, donc c'est tout récent. Voilà. Alors, Quand elle m'emmène, Steph et les Éjectés sur Radio Arc-en-Ciel. Et on en reparle juste après. En plus, je crois que Steph et les Éjectés, Quand elle m'emmène, il doit y avoir le clip sur YouTube qui est visible en même temps. Tout à fait. Personne d'autre ne sait mieux qu'elle m'apaisait. Rien d'autre ne me fait autant qu'elle vibrait. Elle naît tout là-bas en Jamaïque. Elle est si loin de moi et pourtant toujours là. Ma déesse, ma reine. Elle est née tout là-bas, mais quoi qu'il en soit, elle sait me dire tout bas tout ce que je lui dois. Quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Oh, oui, quand elle... Steph et les éjectés. Alors Steph, d'où te vient cette idée avec le clip Quand elle m'emmène? Quand elle m'emmène, ça part de la musique en fait. Ça part de la musique qui fait voyager quoi. Et alors quand tu composes la musique d'abord, toi, les paroles, comment ça te vient? Souvent c'est d'abord la musique. D'accord. Souvent c'est un refrain, une mélodie, une suite d'accords, mais c'est souvent d'abord la musique et après les textes. Et alors là, donc ça c'est extrait du dernier album. Alors le dernier album, c'est essentiellement toi qui as composé, c'est le groupe entier, vous avez des auteurs, des compositeurs avec vous? Alors en général c'est moi qui compose les titres, paroles et musique. Depuis le début. Alors depuis le début, justement, ça tombe bien. Depuis le début, il y a eu pas mal d'albums. Hein. Il y a eu en 90, 94, 97. Hein. C'est un album tous les 2-3 ans. Vous en êtes au 10e album, 12e? À peu près, je crois qu'avec les lives, on doit être au 15e, quelque chose comme ça. Et donc le dernier, c'est donc Informel, l'album de l'actualité. Tu l'as déjà joué plusieurs fois en concert. Comment les gens ils accrochent par rapport aux autres albums? C'est différent? Non, ça accroche bien, ouais. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on sélectionne plusieurs morceaux de l'album qu'on intègre dans le set. D'accord. Donc on a un set qui retrace un peu tous les albums qu'on a sortis depuis le début. Donc à chaque fois qu'on sort un nouvel album, oui, on sélectionne 3-4 morceaux de l'album qu'on a pris dans le set. Et après on voit la réaction du public, comment il y a des morceaux qui marchent mieux sur disque que sur scène en fait, ou ça dépend aussi de l'endroit d'où on place le morceau dans le set et tout ça. Ouais. Il y a un titre phare qui revient depuis le début, c'est le morceau du groupe que quoi qu'il arrive à chaque concert, faut vous le mettiez, on vous le redemande à chaque fois. Il y a plusieurs morceaux qu'on nous demande, des morceaux comme Raga Protest Songs par exemple, c'est un morceau du deuxième album de l'album Raga Protest Songs justement, ou Don't Bug That Joint du troisième album de Gangsta Skanka, du premier album. Donc sur chaque album il y a un morceau un petit peu phare comme ça, un ou deux morceaux un peu phares qui nous sont souvent demandés en concert. D'accord. Alors puisqu'on parle des concerts, vous avez une sacrée tournée de prévue non seulement en France mais à l'étranger également, en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Asie. Oui. On a toujours beaucoup joué hein, en France et à l'étranger. On a joué dans une vingtaine de pays à peu près. On a fait quasiment beaucoup Pologne, République tchèque, Allemagne, Italie, Espagne. On a fait tous les Balkans, Serbie, Slovénie, Croatie. Dans des festivals Bulgarie, particulièrement Macédoine. Festival ou club, de tout. On a fait beaucoup de festivals en Espagne, en République tchèque et en Pologne aussi. Et alors sur les prochains mois, quand pourra-t-on vous applaudir en France? Pour que ça fasse pas trop alors bon. En France, là on reprend, bon, ça arrête jamais vraiment d'ailleurs, mais les prochaines dates c'est dans les Landes, tout début novembre, le 3-4 novembre. Mm-hmm. Je crois qu'on est à Biscarrosse le 3 et à Parentis-sur-Borne le 4. Quoi qu'il arrive, vous faites suivre toute l'actualité, la programmation des concerts sur votre page Facebook et le site internet. Oui, et sur le site. Oui, éjecté.com, le site. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, on annonce les concerts qui viennent. Est-ce qu'il y a une petite date pour être très très proche de nous sur Orléans ou Paris surtout? Parce que je pense que c'est Orléans-Paris, hein, nous. Alors, je sais que la plus proche pour l'instant, ça doit être le 3 février, non, le 2 février, où on joue à Blois. À Blois? Ah, bah, ah oui, c'est bien pour nous ça. Ouais. C'est pas très loin. Non. Tu peux nous emmener à d'autres chevals. C'est ça. Blois. Eh ben, il faut qu'on se le note. 3 février, on va essayer de se noter ça dans l'agenda. Ouais, pourquoi pas, on essaierait d'aller voir. Donc Steph et les éjectés à Blois. Et donc, eh bien, l'album, je pense qu'on peut le trouver partout en ce moment. Le dernier album qui est sorti de Steph et les éjectés. Il est distribué par La Baleine. Donc on le trouve un petit peu chez tous les bons distributeurs, on va dire. Mais sinon, on peut le commander directement sur le site, en vous appelant. Ouais. Oui. D'accord. Et alors pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une grande tournée là, qui va se repréparer bientôt. Un album qui commence à se repréparer pour la suite? Alors là, on est en train de travailler sur le. On a sorti un best-of pour les 25 ans qui s'appelle Since 88 Volume 1. Et là, on est en train de préparer le best-of Volume 2. Pour les 30 ans? Qui devrait sortir avant. Ah, ouais, pour les 30 ans. Qui devrait sortir juste avant la fin de l'année ou en tout début de 2018. D'accord. Et en 2018, on va retourner en studio pour préparer un nouvel album qui sortira fin 2018. Début 2019. Oh bah alors, et dès que ça sort, il faut que tu nous envoies ça, qu'on puisse mettre en lien, ah, sans problème. Oui. Bah Steph, on te remercie beaucoup de ce petit coucou clin d'œil. énorme. On peut te faire 30 bisous pour les 30 ans, hein, voilà, hein, ça se fait un petit peu plaisir, en avance, hein, c'est énorme. Et donc on le rappelle, l'actualité donc sur ton Facebook, Émilie, et sur le site internet. Et sur le site internet éjecté.com. Voilà. Eh bien, un grand, grand merci. Puis à très, très bientôt, Steph. Et puis, bah, bonjour à tout le groupe, alors. Tu leur fais un petit coucou de notre part. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.